Chapitre 3e, un bal. Le premier échec que reçut cette tranquillité fut le projet d'un bal que M. Harel se proposait de donner et les changements que l'on crut devoir faire à la plus grande partie des appartements destinés à cette fête. Cécile même, quoique voyant avec chagrin que ces préparatifs ne pouvaient manquer d'occasionner de nouvelles dettes, ne fut pas celle qui prit le moins de part, et la nouveauté du spectacle qu'elle allait voir pour la première fois ne laissa pas que de lui faire une impression agréable. Vers le soir, Mme Harel la fit appeler pour la consulter sur une nouvelle idée qui était venue à son mari. Il avait imaginé de placer dans le salon un certain nombre de lampions colorés qui formeraient diverses figures emblématiques. Tandis qu'ils raisonnaient tous ensemble sur ce sujet, l'un des domestiques qui avait parlé plusieurs fois à l'oreille de M. Harel et s'était ensuite retiré, dit d'un ton assez haut pour que Cécile l'entendît « En vérité, monsieur, je ne saurais parvenir à le renvoyer. » « C'est un insolent maraud, » répondit M. Harel. « Cependant, s'il faut absolument lui parler, à la bonne heure. » Et il sortit de la chambre. Madame Harel continuait à exercer son imagination sur ce nouveau projet et en consultait M. Arnaud et Cécile, persuadée qu'ils ne pouvaient qu'approuver son goût et son invention lorsqu'elle fut interrompue par les accents d'une voix fort élevée qui se faisait entendre au bas de l'escalier, répétant fréquemment « Non, monsieur, je ne peux plus attendre. J'étais si souvent obligé de donner des délais qu'il m'est impossible d'en accorder davantage. » Madame Harel, étonnée d'un pareil propos, s'arrêta tout court. Ils se turent et l'imitèrent. Ils entendirent alors que M. Harel répondit très doucement « Encore un peu de patience, mon cher M. Rawlins. Je dois toucher demain ou après-demain une grosse somme et vous pouvez compter que vous serez payé. »« Non, monsieur, » s'écria M. Rawlins. « Vous m'avez si souvent dit la même chose que c'est tout comme si vous ne me disiez rien. Il y a longtemps que cet argent m'est dû, et je dois moi-même une somme qu'il faut payer et pour laquelle on ne veut pas attendre plus longtemps. »« Certainement, Monsieur Rawlins, » répliqua M. Harel d'un ton plus radouci. « Comptez que vous l'aurez. Je vous prie seulement de vouloir bien attendre encore un jour ou deux tout au plus, et alors vous pouvez être assuré que vous serez satisfait. »« Vous n'en serez pas plus mal pour m'avoir obligé. » « Je n'emploierai jamais d'autre que vous. Je serai, avant qu'il soit peu, dans le cas de vous occuper. »« Monsieur, » repartit Rawlins, élevant encore plus la voix, « il faut que mes ouvriers aient leur argent. Par conséquent, je ne saurais me dispenser de vous faire assigner. Je n'y vois pas d'autre remède. »« Avez-vous jamais entendu pareille impertinence ?» s'écria Mme Harel. « Il faudrait que M. Harel eût perdu la tête s'il se servait jamais d'un ouvrier de cette espèce. » M. Harel parut alors, et dit de l'air du monde le plus dégagé, « Il y a là-bas un maraud de maçon plus impudent qu'aucun de ceux avec lesquels j'ai jamais eu affaire. Il vient, au moment où je m'y attends le moins, me présenter un compte de 400 livres sterling, et il ne veut pas sortir qu'il n'ait son argent. » « Mon cher beau-frère, » ajouta-t-il en s'adressant à M. Arnaud, « voulez-vous bien prendre la peine de lui parler, car il m'est impossible de me contenir plus longtemps. Vous voudriez sans doute que je lui donnasse un mandement de cette somme sur mon homme d'affaires ?» « Vous m'obligeriez beaucoup, » répondit M. Harel, « et je vais sur le champ vous en faire mon billet. De cette manière, nous serons tout d'un coup débarrassés de ce drôle, et il ne travaillera certainement plus pour moi. Je veux faire construire l'été prochain un nouveau bâtiment à Violet Bank, ne fût-ce que pour lui faire voir quelle bonne pratique il a perdue par sa faute. « Oui, mon cher frère, » s'écria Mme Harel, « débarrassez-nous une bonne fois de cet homme et qu'il n'en soit plus question. » Les deux beaux-frères passèrent donc dans une autre chambre, et Mme Harel, après avoir exalté la grande bonté de son frère, qu'elle aimait beaucoup, et assuré que l'impertinence du maçon l'avait saisie, revint pour s'occuper de la décoration projetée. Cécile, toujours plus surprise de l'indifférence que son amie témoignait sur l'état des affaires de son mari, crut qu'il était de son devoir de lui en parler. Ainsi, après un silence assez marqué pour que Mme Harel lui en demandât la raison, elle lui dit « Me pardonnerez-vous, ma chère amie, si je vous avoue que je suis très surprise que vous pensiez encore à ces préparatifs ?»« Bon Dieu, ma chère, et pourquoi ?»« Parce que dans ce moment-ci, toute nouvelle dépense doit être supprimée, jusqu'à ce que M. Harel ait touché l'argent dont il vient de parler. »« Bon, la dépense d'une pareille bagatelle est un si petit objet pour la fortune de M. Harel qu'à peine s'en apercevra-t-il. D'ailleurs, il doit recevoir si promptement de l'argent que c'est comme s'il l'avait déjà. » Cécile, craignant de se montrer trop officieuse, commença à faire l'éloge de la générosité et de la complaisance de M. Arnaud, et elle en prit occasion, tout en continuant à le louer, d'insinuer qu'il n'y avait que les gens équitables et économes qui fussent réellement généreux et bienfaisants. Elle ne s'était pas pourvue pour le bal d'un habit de masque, parce qu'ayant demandé conseil à ce sujet à Madame Harel, celle-ci lui avait dit que les dames chez lesquelles la fête se donnait n'étaient point ordinairement masquées, et qu'elle-même en ferait les honneurs avec une robe de ville. M. Harel et M. Arnott devaient y être aussi dans leur parure ordinaire. Le bal commença à 8 heures du soir, et avant 9, la salle était si pleine de masques que Cécile fut fâchée de n'avoir pas imité les autres, car se trouvant presque la seule femme de l'assemblée qui fût sans masque, elle n'en était que plus remarquable. Cependant, la nouveauté du spectacle, jointe à la bonne humeur qui éclatait de tous côtés, eut bientôt diminué son embarras, et après s'être un peu accoutumée à la manière brusque et familière dont les différents masques l'abordaient, et la hardiesse avec laquelle il la fixait, ou lui adressait la parole, la première confusion de sa situation se dissipa, et sa curiosité à regarder les autres fit qu'elle cessa d'observer si elle l'était elle-même, et elle s'amusa infiniment. La variété des déguisements, le mélange des costumes, les figures qui se succédaient continuellement, et cette confusion de groupes grotesques fixèrent constamment son attention, tandis que les efforts pour paraître avoir de l'esprit, l'oubli total des convenances, les disparates des propos, étaient des sujets continuels de surprise et de plaisanterie. Il n'y avait pas jusqu'à ces phrases si rebutantes. « Me connaissez-vous ? Qui êtes-vous ? Je sais que vous êtes beau masque. » Ainsi que la manière fine et adroite d'indiquer avec le doigt le signe expressif de tête et ce cri aigu et perçant, quoique très fastidieux pour ceux qui fréquentent ces sortes d'assemblées qui ne fussent pour elles, à qui tout cela était nouveau, une source d'amusement et de réflexion. Vers 9 heures, tous les masques se dispersèrent dans les différents appartements, des dominos qui ne représentaient rien et des habits de fantaisie qui ne signifiaient pas davantage formaient, comme cela est ordinaire en pareilles occasions, la plus grande partie de la compagnie. Quant au reste, les hommes étaient déguisés en espagnols, en turcs, en ramoneurs, en soldats du guet, en sorciers et en vieilles décrépites. Les femmes l'étaient en bergères, en vendeuses d'oranges, en circassiennes, en bohémiennes, en vendangeuses, en sultanes, etc.